tout ça? Qu'est-ce que je te fais? Dis-le-moi. J'aime pas cette heure agressive. Mon petit gars, je te dirai le truc. Je te hais. Est-ce mon tatouage qui te plaît pas? Ou bien est-ce mon crâne rasé? Tu dois te prendre pour un sofa. Connard, la vie te fait pas le moine. Je te hais.